Nombre chapitre 35. Et l'Éternel parla à Moïse, dans les campagnes de Moab, près du Jourdain de Jéricho, en disant, commande aux enfants d'Israël qu'ils donnent, du partage de leurs possessions, des villes aux Lévites pour y habiter. Vous leur donnerez aussi les faubourgs qui sont autour de ces villes. Ils auront donc les villes pour y habiter, et les faubourgs de ces villes seront pour leurs bêtes, pour leurs biens et pour tous leurs animaux. Les faubourgs des villes que vous donnerez aux Lévites, seront 2000 coudées tout autour, depuis la muraille de la ville en dehors. Et vous mesurerez depuis le dehors de la ville, du côté d'Orient, 2000 coudées, et du côté du Midi, 2000 coudées, et du côté d'Occident, 2000 coudées, et du côté du Septentrion, 2000 coudées, et la ville sera au milieu, tels seront les faubourgs de leur ville. Et des villes que vous donnerez aux Lévites, il y en aura 6 de refuge, lesquelles vous établirez, afin que le meurtrier s'y enfuit, et outre celles-là, vous leur donnerez 42 villes. Toutes les villes que vous donnerez aux Lévites, seront 48 villes, vous les donnerez avec leurs faubourgs. Et quant aux villes que vous donnerez de la possession des enfants d'Israël, vous en donnerez plus de la portion de ceux qui en auront plus, et vous en donnerez moins de la portion de ceux qui en auront moins, chacun donnera de ces villes aux Lévites à proportion de l'héritage qu'il possédera. Puis l'Éternel parla à Moïse, en disant, parle aux enfants d'Israël, et leur dit, quand vous aurez passé le Jourdain pour entrer au pays de Chanaan, établissez-vous des villes qui vous soient des villes de refuge, afin que le meurtrier qui aura frappé à mort quelques personnes par mégarde, s'y enfuit. Et ces villes vous seront pour refuge de devant celui qui a le droit de venger le sang, et le meurtrier ne mourra point, qu'il n'ait comparu en jugement devant l'assemblée. De ces villes-là donc que vous aurez données, il y en aura 6 de refuge pour vous, desquelles vous en établirez 3 au-deçà du Jourdain, et vous établirez les 3 autres au pays de Chanaan, qui seront des villes de refuge. Ces 6 villes serviront de refuge aux enfants d'Israël, et à l'étranger et aux forains qui séjournent parmi eux, afin que quiconque aura frappé à mort quelque personne par mégarde, s'y enfuit. Mais si un homme en frappe un autre avec un instrument de fer, et qu'il en meurt, il est meurtrier, on punira de mort le meurtrier. Et s'il l'a frappé d'une pierre qu'il eut en sa main, dont cet homme puisse mourir, et qu'il en meurt, il est meurtrier, on punira de mort le meurtrier. De même, s'il l'a frappé d'un instrument de bois qu'il eut en sa main, dont cet homme puisse mourir, et qu'il meure, il est meurtrier, on punira de mort le meurtrier. Et celui qui a le droit de faire la vengeance du sang, fera mourir le meurtrier, quand il le rencontrera, il le pourra faire mourir. Que s'il l'a poussé par haine, ou s'il a jeté quelque chose sur lui de dessein prémédité, et qu'il en meure, ou que par inimitié il l'ait frappé de sa main, et qu'il en meure, on punira de mort celui qui l'a frappé, car il est meurtrier, celui qui a le droit de faire la vengeance du sang, le pourra faire mourir quand il le rencontrera. Mais si, par hasard, sans inimitié, il l'a poussé, ou s'il a jeté sur lui quelque chose, mais sans dessein, ou quelque pierre sans l'avoir vu, et qu'il en meure, l'ayant fait tomber sur lui et qu'il en meure, s'il n'était point son ennemi, et s'il n'a point cherché sa perte. Alors l'assemblée jugera entre celui qui a frappé, et celui qui a le droit de faire la vengeance du sang, selon ses lois-ci. Et l'assemblée délivrera le meurtrier de la main de celui qui a le droit de faire la vengeance du sang, et le fera retourner à la ville de son refuge, où il s'en était enfui, et il y demeurera jusqu'à la mort du souverain sacrificateur, qui aura été loin de la sainte huile. Mais si le meurtrier sort, de quelque manière que ce soit, hors des bornes de la ville de son refuge où il s'était enfui, et que celui qui a le droit de faire la vengeance du sang, le trouve hors des bornes de la ville de son refuge, et qu'il tue le meurtrier, il ne sera point coupable de meurtre. Car il doit demeurer en la ville de son refuge jusqu'à la mort du souverain sacrificateur, mais après la mort du souverain sacrificateur, le meurtrier retournera en la terre de sa possession. Et ces choses-ci vous seront pour ordonnance de jugement en vos âges, dans toutes vos demeures. Celui qui fera mourir le meurtrier, le fera mourir sur la parole de 2 témoins, mais un seul témoin ne sera point reçu en témoignage contre quelqu'un, pour le faire mourir. Vous ne prendrez point de prix pour la vie du meurtrier, parce qu'étant méchant, il est digne de mort, et on le fera mourir. ni vous ne prendrez point de prix pour le laisser enfuir dans la ville de son refuge, ni pour le laisser retourner habiter au pays, jusqu'à la mort du sacrificateur. Et vous ne souillerez point le pays où vous serez, car le sang souille le pays, et il ne se fera point d'expiation pour le pays, du sang qui aura été répandu, que par le sang de celui qui l'aura répandu. Vous ne souillerez donc point le pays où vous allez demeurer, et au milieu duquel j'habiterai, car je suis l'Éternel qui habite au milieu des enfants d'Israël.